Connaissance, y a plus trop connaissance, y a plus trop connaissance, y a plus trop connaissance, y a plus trop connaissance, y a plus trop connaissance. T'as pas compris. Je m'en fous de toi, de tes conseils. J'ai plus 12 ans, tu me parles comme si j'avais rien fait. T'as pas compris. C'est ce qu'on m'a dit, que tu m'insultes, après tu veux un snap. Quand je mets l'essence, ça agit. Si j'en ai vu passer, c'est et repasser. C'est même menacé, j'arriverai jamais à m'enlacer. Dis-moi t'es pas so, je te dis c'est pas ça. Faut que j'aille à l'assaut, gros, supporte plus les hassa, ça. Pourtant, je suis pas taboué, aïe aïe aïe. Je suis pas taboué, aïe aïe aïe. Que du bien et vous m'en voulez. Aïe aïe aïe, c'est rien, c'est la jalousie. Aïe aïe aïe, ils attendent de me voir couler. Y'a plus trop connaissance, y'a plus trop connaissance, y'a plus trop connaissance, y'a plus trop connaissance, y'a plus trop connaissance, y'a plus trop connaissance, y'a plus trop connaissance. Cherche pas tout pour un j'tenique. C'est l'été, ils ont pas raté. Ils ont mis le bracelet électronique. Fais mon show, j'me die. Peu de shadow, un peu de moins die. Peuvent se les garder, les médailles. Die. Regarde ma carrière, les détails. Die. Tu me critiques, si je te régale. Aïe. Mais t'inquiète, les gens y why. Aïe. Et le bon Dieu aussi. Si, ça sert à rien de jouer le grossiste. Six, de faire le frère brancher la six. Six, ça fait des assauts dans la caisse de six. Six. Plus trop de connaissance, y'a plus trop de connaissance. Y'a plus trop de connaissance, ça. Ça.